cœur de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Soyez les bienvenus dans la toute première émission d'Autour de vous de cette année dans les studios de RGM. Je suis avec Carole. Carole, bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors, je suis donc Carole, je suis créatrice d'objets de décoration et cadeaux de naissance en tricotin personnalisé. Et c'est quoi Récréation du fil ? Alors, Récréation du fil, du coup, c'est le nom de ma micro-entreprise. Récréation parce que je m'amuse tous les jours, j'aime ce que je fais, j'aime ce que je fabrique. Et il y a un petit clin d'œil dans le Récréation avec un K, parce que mon prénom, c'est Carole avec un K. Pourquoi est-ce que vous ciblez particulièrement les nouveau-nés pour les cadeaux ? Parce que je trouve que c'est un univers doux, un univers où les gens ont aussi envie de faire plaisir et d'avoir quelque chose d'unique pour son enfant. Je trouve que c'est quelque chose d'important et ça touche beaucoup les gens. Depuis quand existe votre entreprise ? J'ai ouvert en avril 2022. Ah, c'est très récent donc ? C'est tout récent, oui. Je suis dans ma première année. Comment est-ce qu'on crée sa propre entreprise ? Alors, moi, c'est venu d'une idée, changement professionnel peu de temps avant. Et je suis quelqu'un qui a toujours été créatrice. J'avais un magasin avant en tant que fleuriste dans une autre région. Et j'ai toujours aimé créer. Et puis j'ai eu cette idée de faire du tricotin. Et puis les idées sont venues les unes derrière les autres. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas me mettre à mon compte et puis essayer. Donc j'ai sauté le pas. Ça ne doit pas être facile de se lancer comme ça, parce que c'est quand même vers l'inconnu. C'est ça, tout à fait. Ce n'est pas toujours évident, on ne trouve pas toujours non plus les personnes pour nous aider. Mais bon, ça se passe bien. Quelle qualité faudra avoir selon vous pour créer sa propre entreprise ? Il faut être déterminé et puis savoir où on veut aller, parce qu'il y a tellement d'obstacles sur le parcours qu'on peut vite baisser les bras. Ce n'est pas tous les jours facile. Moi, je fais des marchés artisanaux. Il y a des jours, je vais vendre très bien et il y a des jours, je ne vais rien faire. Donc, c'est vrai que si on se base sur les échecs, on peut vite baisser les bras. Il faut être persévérant, donc. Tout à fait. C'est quoi et qui est le Dressin ? C'est un endroit où j'expose. Enfin, j'expose. C'est même un dépôt. C'est une boutique qui est à Saulxures-sur-Moselotte et donc qui m'a proposé de déposer quelques articles que je fais pour que les gens puissent voir mon travail. Et du coup, bah, soit ils veulent quelque chose de personnalisé et me recontactent, soit ils achètent l'article dans la boutique. Est-ce que vous allez souvent là-bas ou pas ? Alors moi, j'ai fait des dépôts pour Noël. On avait prévu comme ça, j'étais présente 4 matins là-bas sur place. Sinon après, bah, si la personne veut me voir, on peut se donner un rendez-vous et se retrouver sur place. Est-ce que vous travaillez seule ou est-ce que vous avez des employés ? Je suis toute seule. Est-ce que ça vous arrive de faire appel à des agences d'intérim pour vous aider, par exemple pour les marchés de Noël ou quelque chose comme ça ? Pas du tout. Est-ce que vous exposez ailleurs vos créations, par exemple à Nature House à Remiremont ? Alors j'ai fait un dépôt à Nature House, pareil, pour Noël. Et c'était juste permanent, il n'y a plus de dépôt pour le moment. Après, on a un projet avec plusieurs créatrices d'ouvrir une boutique, mais c'est vraiment au tout début du projet, il n'y a rien qui est décidé, il n'y a rien qui est acté, quoi. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un endroit pour montrer notre travail, parce que sur la toile, c'est bien, mais toucher les gens du secteur, c'est mieux, quoi. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, ça a un impact aussi pour se faire connaître ? Alors oui, moi je trouve que ça fonctionne très bien. Sur Instagram, j'ai déjà une belle communauté, je suis à plus de 2000 followers. Ah oui ? Donc oui, après c'est du travail au quotidien. Mais pour moi, j'ai une belle communauté et qui fonctionne bien, j'ai des commandes très régulières, donc ça apporte un plus, oui. Comment vous êtes prise pour pouvoir exposer vos œuvres à Nature House et Dressin ? Comment vous avez fait pour les contacter, tout ça ? Alors le Dressin, j'y suis allée directement parce que c'est une boutique à Saulxures. J'ai vu avec elle, elle fait des dépôts pour les particuliers en vêtements parce qu'elle fait du seconde main. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir mes articles ? Donc ça l'intéressait, donc elle m'a proposé de faire un dépôt. Et à Nature House, c'est une connaissance, donc du coup, elle m'a proposé de faire un petit dépôt pour Noël pour faire des ventes additionnelles. C'est bien ça quand les gens ils s'entraident un peu, je trouve. C'est ça, tout à fait. C'est pareil, à Remiremont, il y a une boutique Révolution, c'est une friperie aussi, pareil. Elle aide beaucoup tous les créateurs. Elle fait venir tout le monde au moins une fois de temps en temps. Donc moi, j'y suis allée une fois en mois de décembre. Et là, elle m'avait proposé, si je voulais, janvier, février, je pouvais encore avoir un créneau. Ouais. Et elle fait ça pour beaucoup de créateurs. Ah ça, c'est bien ça. C'est très bien, ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la jungle là-dessus, ouais. Ça se développe, donc il y en a qui en profitent, qui demandent beaucoup de commissions, beaucoup de choses comme ça. Donc financièrement, après, il faut qu'on s'en sorte aussi, quoi. Donc quand on a des gens qui nous tendent les bras comme ça, ça fait chaud au cœur et ça nous permet de se faire connaître. Ça redonne foi à l'humanité aussi un peu. Aussi, oui. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes directement dirigé vers les réseaux sociaux pour faire découvrir vos créations ou est-ce que vous avez fait appel aussi au bouche à oreille ? Alors, le bouche à oreille commence à... Alors, les réseaux sociaux sont quand même la grosse base. Hein, mm-hmm. Parce que j'ai des gens même du secteur qui m'ont découvert sur les réseaux sociaux. Mais le bouche à oreille commence à partir. Je l'ai vu sur Noël parce qu'il y a la copine de la copine qui est venue me passer des commandes dernière minute, juste avant Noël. Donc, mais les réseaux sociaux sont quand même une grosse base maintenant. Les gens sont beaucoup sur Instagram et sur Facebook. C'est presque indispensable maintenant. Oui, oui, oui, oui. Mais c'est prenant, ça prend du temps. Ah, c'est sûr, il faut toujours se renouveler, toujours publier quelque chose. C'est ça, et puis il faut être très très régulier. Si on n'est pas régulier, les algorithmes ne nous prennent pas. Donc on est perdu au fond des fils d'actualité et les gens ne nous voient pas. Donc il faut être très régulier et publier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, ça fonctionne. Parce que moi, j'ai des personnes qui me rajoutent en followers que je ne connais pas du tout, qui sont même à l'autre bout du monde. Moi, j'ai beaucoup de Brésiliens, parce que le tricotin, il est très en vogue là-bas. Donc, j'ai beaucoup de Brésiliens qui me suivent. Ouais, c'est drôle. Ouais, c'est bien, ça permet de s'exporter en dehors de chez nous. Oui, je n'ai encore pas vendu là-bas. Hein. Bah, pourquoi pas, peut-être pourquoi un jour. Pourquoi pas, qui sait. Alors, nous allons faire une première pause musicale avant de parler de vos créations. On se retrouvera juste après avoir écouté Indochine avec leur titre Mao Boy. A tout de suite sur Radio Gamozo. Nous sommes de retour avec Carole sur les ondes de RGM pour parler de récréation du fil. Carole, est-ce que vous pouvez nous parler de vos créations ? Alors, mes créations sont à base de tricotin. Donc, c'est de la laine qui est tricotée en 4 points. Et donc, ça fait des grands tubes. Et à partir de là, je les file pour faire les formes que les gens souhaitent. Donc, des animaux, des prénoms, des messages. Peu importe, tout est réalisable. Je suppose qu'il faut pas mal de patience et de dextérité aussi pour faire ça. C'est ça, tout à fait. Un petit peu d'artistique aussi, avoir les idées de forme, d'assemblage de couleurs, des choses comme ça. Combien de temps est-ce qu'il vous faut pour créer un tote bag, par exemple ? Eh ben, par exemple, le tote bag, il faut déjà que je compte de faire mon tricotin. Donc le tricotin, je fais 10 mètres à l'heure. Donc après, tout dépend de la longueur du prénom. Après, le temps que je le forme, et puis après, j'ai tous les points de couture à faire sur le sac. Il faut que je compte environ 2-3 heures pour en faire un, ouais. Ah ouais ? Oui. Et c'est quoi un tote bag, du coup ? Donc un tote bag, c'est un petit sac en toile, en coton, qui est idéal pour faire ses courses ou pour mettre au fond de son sac quand on a besoin. Est-ce que vous avez fait aussi des créations spéciales pour les fêtes de fin d'année, comme des bonhommes de neige ou des Pères Noël, par exemple ? Oui, tout à fait. J'ai fait bonhommes de neige et Père Noël en 3D. Et après, j'ai fait aussi des décorations de table, des sapins colorés ou des décorations avec un ange en centre de table. Et c'est lequel des deux qui a le plus de succès ? Le centre de table avec l'ange a beaucoup plu. Et le bonhomme de neige, surtout. Ah, ça, c'est un des modables, ça, le bonhomme de neige. C'est ça, tout à fait. C'est toujours affilié à Noël. Voilà, c'est ça. Et du coup, vous utilisez quoi comme matière première ? Alors, la matière première, c'est de la laine coton. Et après, le fil, c'est du fil aluminium. Est-ce qu'il existe plusieurs tailles de fil ? Bien sûr, oui, oui. En fil coton, on est sur ce qu'on appelle du 3. Et après, si vous partez plus sur des acryliques, des choses comme ça, vous pouvez avoir des tailles de fil qui sont plus élevées. Mais avec le tricotin, il faut rester sur du 3 parce que le plus gros, après, ça casse. Donc, le plus gros est le plus difficile à manipuler ? C'est ça. Alors j'imagine que vous avez aussi tout un panel de couleurs. Quelles sont celles que vous utilisez le plus et pourquoi ? Alors, j'ai beaucoup fait de prénoms filles, féminins. Donc du coup, j'ai beaucoup travaillé dans les roses. Après, le vert et toutes les couleurs un peu gris, crème, des choses comme ça, c'est des couleurs neutres. Donc c'est des couleurs que j'utilise beaucoup aussi. Sinon, j'ai plus de 80 nuances de couleurs. Ah oui ? Oui. Vous avez plusieurs nuances de couleurs, mais il y aurait quoi, par exemple, il y a plusieurs rouges, plusieurs roses. Voilà, c'est ça. Il y a plusieurs tons de rose. Ça va du vieux rose au rose fuchsia, au rose très très clair. Après, il y a tous les tons de vert, tous les tons de bleu. J'ai des tons de gris, tous des tons marron. J'ai beaucoup dans les couleurs praline, caramel, les choses comme ça. J'ai le terracotta qui est très très demandé. C'est une couleur qui vient beaucoup dans les chambres d'enfants. Et puis après, là, j'ai une panelle qui est rentrée dans les couleurs fluo. Et aussi un panel panaché où c'est une base blanche où il est tacheté en fait. Et en fluo, vous voulez faire quoi avec la couleur là ? J'ai des personnes qui me demandent des couleurs fluo. Par exemple, ils me demandent une base qui est neutre. Mais par contre, ils veulent le prénom qui est un peu dans les fluos. Le rose fluo, de toute façon, c'est la couleur qui plaît beaucoup pour les filles. Est-ce que vous faites appel parfois à d'autres organismes pour certaines de vos créations ? Non, pas du tout. Même pour le tote bag, c'est vous faites tout de A à Z. Le tote bag, il est acheté, oui, oui, oui. J'ai acheté les tote bags et toutes les panières personnalisées, c'est chez un fournisseur en Bourgogne. Ouais. C'est quoi le tricotin du coup ? Donc le tricotin, c'est à la base, c'est donc le fil de laine. Le fil de laine est en un seul morceau, et donc en fait, il y a 4 points. Et il faut tricoter entre les 4 points, il faut passer la maille toujours par-dessus. Et après, ça fait un long tube de laine, en fait. Mais si vous coupez, le fil, tout se démonte complètement. C'est parce que c'est fait seulement avec un seul fil. Alors, ma maman m'avait expliqué que le tricotin, ça ressemblait un peu à un champignon. Il fallait entourer le fil autour, c'est ça ? Tout à fait. Quand on est gamin, c'est un champignon avec 4 pointes. Et vous faites le départ en étoile. Et après, vous passez le fil et vous repassez toujours la maille par-dessus, par-dessus, par-dessus. C'est vrai que ça rappelle beaucoup de souvenirs enfantins, oui. Parce que ma mère, elle en a fait au centre aéré, je crois qu'elle m'avait dit. C'est possible, oui, oui. Moi, j'en ai fait étant gamine et puis je suis retombée dedans, la plus grande. Ah, est-ce que c'est plus facile que le tricot traditionnel ou pas ? C'est pas les mêmes mailles. Je pense, c'est plus facile, oui. C'est plus abordable au niveau enfant. Après, le tricot, oui, il y a plusieurs mailles différentes. C'est plus difficile, oui. Alors, ça demande un certain savoir-faire. Comment est-ce que vous avez appris à faire ça ? Le tricotin, moi, c'est ma maman qui me l'a appris quand j'étais enfant. Est-ce que vous avez déjà consulté des tutos sur Internet pour créer quelque chose ou pas ? juste pour les points de fin, parce que ce que je faisais ne tenait pas au tout début dans mes premiers essais, mais sinon, après, c'est le tricotin, je le savais le faire, et puis c'est mes idées. Est-ce que vous envisagez d'en faire ? C'est pas prévu pour le moment, non. Ça peut arriver. Ça pourrait. Qu'est-ce que vous faites de vos créations qui ne vous plaisent pas ? Par exemple, est-ce que vous recommencez tout ou est-ce que vous l'achetez ? Je commence tout. Ah, ça fait prendre plus de temps, du coup, ça. C'est ça. Si je fais quelque chose qui ne me plaît pas ou qui ne ressemble pas à ce que je voulais, je redemande tout et je recommence, ouais. Ah, ça abîme pas le fil, à force ? Ça arrive que oui. Il ne faut pas trop réutiliser plusieurs fois, ouais. Ça peluche pas non plus ? Non, ça va. Après, une fois qu'il est fabriqué, le toucher, on le touche moins qu'un pull ou quelque chose d'autre. Donc, du coup, ça s'abîme moins. Est-ce que vous vendez aussi vos créations sur Internet ? Alors, actuellement, je vends sur les réseaux sociaux. Et j'ai une petite e-boutique. Et là, cette année, en début d'année, il y a un site Internet qui va venir compléter la gamme. Et ça se passe comment si on veut commander par Internet ? Alors, il suffit de me contacter par message, soit sur Messenger, soit via Instagram. Et donc, ben, comme ça, sur place, sur mes pages, vous verrez mes créations. Et s'il y a quelque chose qui vous plaît, vous me contactez, on en discute. On discute des couleurs, des dimensions, de la forme, du prénom. Et à ce moment-là, je donne les tarifs. Et puis après, on peut faire des règlements à distance. Et il y a aussi des envois par Mondial Relais. Est-ce que vous avez une boutique ? Non, actuellement, je n'ai pas de boutique. Alors, vous parliez de Mondial Relais, donc il y a des frais de port quand on commande du coup. Tout à fait, c'est ça. Il faut compter environ 5 € de frais de port en plus de la création. Est-ce que vous faites vous-même des livraisons à domicile parfois ? Oui, dans le secteur. Secteur Remiremont, Vallée de Moselotte, Vallée de la Moselle, je fais un petit peu aussi. Donc là, c'est moi qui livre sur place. Est-ce que vous avez des acheteurs de pays francophones comme la Belgique par exemple ? Oui, j'ai une cliente en Belgique qui commande pour son enfant et ça fait déjà 2 colis qui partent. Ouais. Alors j'ai vu via votre page Facebook que vous avez créé un logo en tricotin pour l'association Une Note de Bonheur. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors c'est par le biais des ateliers du bien-être, Mélissa. C'est elle qui m'a commandé le logo pour l'offrir à l'association. Donc je fais aussi les logos pour les entreprises ou pour des crèches ou des choses comme ça. J'essaye de m'approcher au plus près du logo, mais après il ne faut pas qu'il y ait trop de détails. Une note de bonheur qui a été créée par Fanny, qu'on embrasse, qui est venue 2 fois dans notre studio, on ne dit jamais 203, donc on espère qu'elle reviendra bientôt. Est-ce que vous avez aussi proposé quelques-unes de vos créations pour d'autres associations, par exemple pour la Ligue contre le cancer ? Tout à fait. En octobre, j'ai fait une opération en partenariat avec les foulées roses pinéaliennes. Donc j'ai fait des porte-clés en forme de rose, que j'ai fait des dépôts dans la vallée de la Moselotte. Et donc la totalité des bénéfices étaient reversés à la Ligue. Donc j'ai réussi à récolter 60 € pour la Ligue contre le cancer. Ah super. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer pour des associations ? Alors, Octobre Rose, c'est surtout personnel. J'ai perdu ma maman il y a 10 années à cause d'un cancer. Donc, c'est vrai qu'Octobre Rose, c'est toujours quelque chose qui me touche beaucoup. Et là, j'avais envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour pouvoir aider toutes ces femmes. Nous allons faire 2 pauses musicales avant de parler de vos différents partenaires et de votre actualité. Donc Indochine revient sur nos ondes avec Alice et June et Un été français. À tout de suite sur le 107. We'll be right back. grandir davantage. Elle n'avait juste aucun ennui, c'est de comprendre les jours de pluie. Mais je suis là. Nous voilà de retour avec Carole sur les ondes de RGM. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission. Et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, Radio Line ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Carole, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux ? Alors, mes choix musicaux, donc Indochine, c'est une grande passion que j'ai depuis que je suis enfant. Et c'est un groupe que je suis depuis très longtemps et qui m'apporte beaucoup, même dans mes créations. C'est mon fond musical H24. Ça vous motive ? C'est ça, tout à fait. Justement, je voulais savoir pourquoi ça s'appelait Indochine. Alors, c'est par rapport à l'écrivaine Marguerite Duras. C'est des concerts de folie. Tout à fait. C'est le dernier en date dans les stades l'été dernier. C'était juste énorme. Ils ont battu tous les records au niveau de la grandeur de l'écran, au niveau du nombre de spectateurs. Enfin, voilà, c'est dingue. Il faut le vivre pour ressentir et pour comprendre. Vous avez été les voir combien de fois ? Oh, je compte plus. Je suis à plus de 350 concerts, au moins. Ah oui ? Oui, oui, oui. Et c'est toujours le même plaisir, vous redécouvrez le groupe à chaque fois. Tout à fait. Il ne se passe jamais la même chose dans les mêmes villes. Et puis les ambiances sont complètement différentes. Vous allez dans le nord, Belgique, Lille, tout ça, c'est des ambiances de dingue. Parce qu'Indochine a toujours existé dans ces régions-là, même quand ils ont eu leur creux dans les années 90. Et par contre, vous allez dans le sud, il y a un peu moins d'ambiance. C'est complètement différent. Ah, puis on disait aussi hors antenne que du moment qu'ils mettent des places en vente, ça part très très vite. Tout à fait, c'est ça. Là, les Eurocaines sont pratiquement complètes. Moi, quand j'ai acheté mes places, l'ouverture était à midi, j'étais déjà sur liste d'attente, j'étais plus de 5000 sur la liste d'attente. Ah oui ? Oui. Ah, je pensais pas que c'était à ce point quand même. Si, si. Du coup, on va revenir à Récréation du Fil. Il y a Aude de Aude Fil des Rêves qui est venue dans nos studios il y a quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre collaboration ? Alors, Aude, on s'est rencontrés sur un marché artisanal. Et donc on a vu ensemble, on a complété nos deux créations. Donc elle qui fait du macramé, elle fait des beaux cercles en macramé. Donc là, nous on a choisi crème pour que ça passe avec tous les styles. Mais après, d'autres couleurs sont disponibles. Et du coup, moi je décore par-dessus les cercles avec donc mon tricotin, les formes souhaitées. Qu'est-ce qui vous a donné envie à toutes les deux de travailler ensemble ? Eh bien, on s'entend bien et puis c'est deux styles qui vont très bien ensemble. Le macramé est ressorti par les couleurs du tricotin et le tricotin est ressorti par le tressage du macramé. C'est deux anciens métiers, on va dire, deux styles qui sont déjà qui datent et du coup qui vont très bien ensemble. Est-ce que vous avez d'autres partenaires ? Alors, j'ai une autre partenaire dans la région lyonnaise, c'est une couturière. Donc elle fait des réalisations personnalisées, pareil, des turbulettes, des bavoirs, des capes de bain, des choses comme ça. Et donc on a mis en place un coffre à jouets donc en paille, en osier. Donc moi je personnalise et elle remplit l'intérieur du coffre avec les articles que les personnes auront choisis. Et donc du coup comme ça les personnes ils ont et le coffre à jouets et les accessoires pour l'enfant. Ah super, c'est du win-win. Ça fait un cadeau de naissance complet et unique, parce que du coup on peut personnaliser avec le prénom de l'enfant, ou si sa chambre c'est dans le thème des renards, on peut faire un renard, tout est possible. Comment ça se fait un partenariat ? Eh ben, souvent c'est coup de cœur. Coup de cœur de la personne, coup de cœur du travail effectué, et puis on en discute, et puis on se dit bah, pourquoi pas on ferait ça ? Ah bah oui, allez, et puis on se lance, on se donne nos idées, et puis on fait. Est-ce que les partenariats vous ont aidé à vous faire connaître davantage ? Moi du coup j'ai eu beaucoup de nouveaux followers sur la région lyonnaise par le biais de ma couturière. Et après, bah, avec Aude, on est dans la même région, mais ça nous permet de s'échanger nos followers et puis de se faire connaître en plus. Je voulais partager avec vous une citation que j'ai trouvée sur Internet qui dit que l'entraide est un facteur important d'évolution pour l'humain. Nous sommes essentiellement des êtres sociaux et nous avons besoin les uns des autres pour avancer. Vous en pensez quoi de tout ça ? Ah bah tout à fait. Parce que dans le monde de la création, il y a quand même beaucoup de tabous. On ne dit pas où on achète notre matériel, on cache un peu ce qu'on fait. Alors qu'en fait, quand on s'entraide, c'est là où on avance le plus. Sur les marchés artisanaux, on le voit, il y a un artisan qui est en galère pour une chose ou pour une autre, hop, il y en a un, il vient l'aider, il lui prête une table, machin. Enfin, c'est cette ambiance-là qu'il y a entre les artisans. Et c'est cette ambiance-là qui fait qu'on avance tous en même temps. Est-ce que vous avez participé à des événements comme un marché de Noël ces derniers temps ou pas ? Oui, donc j'ai fait plusieurs marchés de Noël. J'ai fait celui de Saint-Étienne-lès-Mirmont. Et après, j'ai fait aussi sur Épinal, Gouzon-Rue-Longemer, Fraise. J'en ai fait plusieurs. J'ai fait aussi le marché des producteurs à Tchéfos qui ont ouvert un morceau de leur marché pour les artisans. Donc j'ai fait un petit peu dans le coin tous les week-ends. À quel genre d'autres événements vous avez déjà participé depuis que votre entreprise existe ? J'ai fait marché artisanaux de Saulxes-en-Moselotte et puis la Bresse. La Bresse, ça sera sûrement renouvelé cette année. Et donc après, les marchés artisanaux, s'il y en a dans le secteur, je participe. Vous postulez aussi ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous contacte pour participer à des manifestations ? Alors souvent, c'est des organisateurs qui cherchent. Ou après, entre artisans, on arrive aussi à s'échanger les dossiers d'inscription. Comme si par exemple, moi, j'ai Ventron qui m'a contacté. Je le donne par exemple à Aude ou d'autres créatrices. Je dis, il y a celui-là. Après, si elles ont envie de le faire, elles le font. Si elles sont déjà prises, elles ne le font pas. Il y a déjà une personne qui est déjà venue vous voir et qui vous a dit, vous, je vous veux sur mon événement. Il faut que vous veniez. Non, sans plus. Pas encore. Ah, ça serait bien, ça. Ouais, ça ferait plaisir. Vous avez participé au marché d'avant-l'avant qui s'est déroulé à Saint-Étienne-lès-Remiremont au mois de novembre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, oui. Donc, c'était sur un week-end. Très bonne ambiance. En plus, c'est le premier de la saison. Donc, du coup, les gens, ils ont répondu présent. Très bonne organisation. Je leur fais les yeux fermés l'année prochaine avec plaisir. Est-ce que vous allez participer à d'autres manifestations ces prochaines semaines ou est-ce que vous faites une pause parce que ça a dû demander pas mal d'énergie là, avec les fêtes et tout ça ? C'est ça. On va dire que depuis avril, je ne me suis pas posée parce qu'il y a eu les marchés d'été et puis derrière, il a fallu préparer la gamme Noël. Donc du coup, je n'ai pas eu de repos. Donc là, je me suis mis en repos jusqu'au 12 janvier, c'est-à-dire que je ne mets pas le pied à l'atelier. Par contre, pour une demande de commande et puis je suis encore présente sur les réseaux sociaux, je suis là. Est-ce que vous avez déjà eu, par exemple, une demande pour faire un doudou en tricotin ou pas ? Non, jamais. Parce que souvent, les doudous, c'est plus en crochet. Donc, crochet, j'avoue, je ne sais pas faire. Et puis, le problème du doudou et de tout ce qui est sur l'enfance, c'est qu'il y a des questions de sécurité. Il faut les faire passer dans des tests obligatoires pour la sécurité des enfants. Donc, c'est très contraignant, très coûteux. Donc, je ne vais pas sur ce terrain-là, ouais. À quel genre de cadeau de naissance est-ce qu'on peut faire avec du tricotin ? Alors en tricotin, vous pouvez créer le prénom de l'enfant avec le thème que vous souhaitez pour la chambre de l'enfant. Et après, je fais aussi des boîtes à souvenirs où à l'intérieur, vous avez des boîtes où vous pouvez garder la première tétine, la première mèche de cheveux, les bijoux, les choses comme ça. Et donc elle est personnalisable avec le tricotin, on peut mettre le prénom de l'enfant. Donc la boîte est aussi faite main. Ah, j'ai vu aussi que ces derniers jours, vous avez fait une photo de famille avec du tricotin. Tout à fait, un cadre familier. C'est ça, c'est donc à base de pierres de la nature. Donc je forme avec les pierres les personnages pour former la famille. Et donc je les personnalise selon la composition de la famille. Il y a aussi, on peut mettre aussi les animaux de compagnie, des poussettes, il y a des tout petits bébés. Et ça permet de marquer l'image de la famille à l'instant T. Et ça vous a demandé combien de temps pour faire ça ? Eh bien là, il faut que je peigne le cadre, que je fasse le tricotin, on va dire 1h30, 2h. Ah oui ? Oui. Ça prend du temps. Ah, il m'en manque. On en a jamais assez finalement. Non, il me faudrait 24 heures de plus par semaine. Est-ce que vous avez des futurs projets pour la récréation du fil ou pas ? Alors, il y a des nouveaux articles qui vont arriver courant printemps pour la nouvelle saison. Et après, donc il y a le projet de boutique qui va arriver aussi la courant de l'année, à voir si c'est réalisable ou non. Et peut-être une diversification, mais là, il n'y a rien qui est fait encore. Comment est-ce qu'on peut vous joindre par Internet, les réseaux sociaux ? Alors, donc, je suis sur Instagram et sur Facebook. Donc, c'est la récréation du fil, récréation avec un K. Et après, sur Google aussi, il y a ma page d'établissement. Donc là, vous retrouvez mon numéro de téléphone et mon mail. Et votre site internet, du coup, c'est on l'a accès via votre page Facebook, je crois. C'est ça. C'est une toute petite boutique. Hein. Il y a rien. C'est tout simple. C'est par le biais de SumUp, le moyen de paiement que j'ai, où ils nous ouvrent une petite boutique. Mais on ne peut pas personnaliser. C'est basique. Donc, ça me permet de montrer et que les gens puissent faire des choix. Mais là, le futur site internet devrait arriver courant 2023. Et le site actuel, est-ce que vous avez fait appel à quelqu'un ou c'est vous qui vous en êtes occupé? C'est par le biais de SumUp, ils nous mettent une page qui est très simple à remplir. On met quelques articles, on met les tarifs de vente et puis ça se fait tout seul. J'ai fait un petit tour sur votre site, j'aime bien le petit panda. Ah oui, le panda plaît beaucoup aux enfants. C'est mon fils qui m'a demandé de le faire parce qu'il est fan de panda. Alors du coup, il y a un panda qui est fait. Ah, c'est super beau un panda, c'est pacifique aussi, ça mange que du bambou. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Carole? La réussite et puis de la prospérité. La joie, du bonheur. Aussi. Cette émission est maintenant terminée. Carole, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous reviendrez nous voir. Avec plaisir. J'espère également que via cette émission, nos auditeurs se précipiteront sur les réseaux sociaux pour voir vos créations. Oui, avec plaisir. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. Prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde!